oncle Joe. Je vois tes yeux qui semblent rire dessous ton grand chapeau. J'ai tant de plaisir à t'écouter, toi qui connais tellement d'histoires. Tu sais si bien les raconter en mâchonnant ton vieux cigare. Tu as passé à bourlinguer le plus clair de tes jours. Tu ne comptes plus ni tes voyages, ni tes amours. En ce temps-là, tu étais beau, t'avais l'œil vif et le cœur chaud. Tu devais être un fameux Don Juan, oncle Joe. Tu vis dans un petit coin perdu, loin du monde, oncle Joe. Tu as quelques amis fidèles, c'est tout ce qu'il te faut. Tu peux sourire, moi je t'assure, que si un jour tu écrivais le récit de tes aventures, quel beau roman cela ferait. Quand tous les deux on se replonge parmi tes souvenirs, la nuit descend et j'en oublie d'aller dormir. Chasseur de fauves en Bornéo ou trafiquant à Tampico, tu as tout vu, tout fait. Entouré de tous ceux qui t'aiment.